Pourquoi j'écris de si bons livres? Je suis une chose. Mon œuvre en est une autre. Avant que je parle de mes livres, je veux toucher ici un mot au sujet de la compréhension et de l'incompréhension qu'ils ont rencontrés. Je le fais avec autant de nonchalance qu'il peut convenir, car cette question est encore loin d'être d'actualité. En ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas encore d'actualité. Quelques-uns naissent d'une façon posthume. Il viendra un jour, que je ne saurais préciser, où l'on aura besoin d'institutions qui enseigneront ma doctrine, qui enseigneront à vivre comme je m'entends à vivre. Peut-être alors créera-t-on même des chaires pour l'interprétation de Zarathoustra. Mais je serais en contradiction absolue avec moi-même si je m'attendais aujourd'hui déjà à trouver des oreilles, à trouver des mains pour mes vérités. Qu'on ne m'écoute pas, qu'on ne veuille rien prendre de moi, cela me paraît non seulement compréhensible, mais juste. Je ne veux pas être confondu avec un autre. Je ne me confonds pas moi-même. Encore une fois, je n'ai rencontré dans ma vie que fort peu de mauvaise volonté. Il me serait même difficile de citer un cas de mauvaise volonté littéraire. Par contre, je n'ai été que trop accablé de pure ignorance. Il me semble que c'est un des plus rares hommages que quelqu'un puisse se rendre à lui-même que de prendre en main un de mes livres. J'admets même qu'il se déchausse, ou peut-être ira-t-il encore jusqu'à ôter ses bottes. Un jour, le docteur Henri de Stein se plaignit loyalement à moi de ne pas comprendre un mot à mon Zarathoustra. Je lui répondis que c'était tout à fait dans les règles. En comprendre 6 phrases, ce qui veut dire les avoir vécues, cela suffirait à vous élever parmi les mortels à un degré supérieur à celui que les hommes modernes pourraient atteindre. Comment, avec un pareil sentiment de la distance, pourrais-je seulement souhaiter d'être lu par les modernes que je connais? Mon triomphe est l'opposé de celui de Schopenhauer. Je dis « non legor, non legar ». Non point que je veuille estimer trop bas la joie que m'a procuré maintes fois l'innocence que l'on mettait à dénier toute valeur à mes œuvres. Cet été encore, à une époque où, par l'accent sérieux, beaucoup trop sérieux de ma littérature, j'étais capable de déplacer l'équilibre de tout le reste de la littérature. Un professeur de l'université de Berlin me donna à entendre, avec bienveillance, que je ferais mieux de me servir d'une autre forme car, me disait-il, ce que je fais, personne ne le lit. En fin de compte, ce ne fut pas l'Allemagne, mais la Suisse qui fournit les 2 cas les plus extrêmes. Un article consacré à Par-delà le bien et le mal dans le Bund de Berne par le docteur Winman sous le titre de Le livre le plus dangereux de Nietzsche et un compte-rendu général de tous mes ouvrages de la plume de M. Karl Spittler dans le même Bund représentent un maximum dans ma vie. Je me garde bien de dire un maximum de quoi. Ce dernier traite par exemple mon Zarathoustra d'exercice supérieur de style en souhaitant que dans l'avenir je prisse également soin du contenu. Le docteur Widman m'exprime sa considération pour le courage que je mets à tendre vers l'abolition de tous les sentiments convenables. Par une petite malice de la destinée, chaque phrase, avec une logique que j'ai admirée, semblait être une vérité à rebours. En somme, il suffisait de retourner, de transmuer toutes les valeurs pour frapper juste à mon égard, d'une façon même fort remarquable, au lieu de me river mon clou. J'ai d'autant plus de raisons pour chercher une explication. Bref, personne ne peut trouver dans les choses, sans en excepter les livres, plus qu'il n'en sait déjà. On ne saurait entendre exactement ce à quoi des événements antérieurs ne vous donnent point accès. Imaginons dès lors un cas extrême. Qu'un livre ne parle que d'événements qui se trouvent complètement en dehors des possibilités qui se présentent fréquemment, ou même rarement seulement, dans la vie de quelqu'un. Que c'est la première fois que le livre en question parle un langage qui prépare une série de possibilités nouvelles. Dans ce cas, il se produit un phénomène extrêmement simple. On n'entend rien de ce que dit l'auteur, et l'on a l'illusion de croire que là où l'on n'entend rien, il n'y a rien. C'est l'expérience que j'ai faite dans la plupart des cas, et c'est, si l'on veut, ce que mon expérience personnelle présente d'original. Celui qui croit avoir compris quelque chose dans mon œuvre s'en est fait une idée à sa propre image, une idée qui, le plus souvent, est en contradiction absolue avec moi-même. On fait de moi, par exemple, un idéaliste. Quand on n'a rien compris du tout, on se contente de nier ma valeur, on dit que je n'entre pas en ligne de compte. Le mot « surhumain », par exemple, qui désigne un type de perfection absolue, en opposition avec l'homme moderne, l'homme bon, avec les chrétiens et d'autres nihilistes, lorsqu'il se trouve dans la bouche d'un Zarathoustra, le destructeur de la morale, prend un sens qui donne beaucoup à réfléchir. Presque partout, en toute innocence, on lui a donné une signification qui le met en contradiction absolue avec les valeurs qui ont été affirmées par le personnage de Zarathoustra. Je veux dire qu'on en a fait le type idéaliste d'une espèce supérieure d'homme, à moitié saint, à moitié génie. D'autres bêtes à cornes savantes, à cause de ce mot, m'ont suspecté de darwinisme. On a même voulu y retrouver le culte des héros, de ce grand faux monnayeur inconscient qu'était Carlyle, ce culte que j'ai si malicieusement rejeté. Quand je soufflais à quelqu'un qu'il ferait mieux de s'enquérir d'un César Borgia que d'un Parsifal, il n'en croyait pas ses oreilles. Il faudra me pardonner si je suis sans aucune curiosité à l'endroit des comptes rendus de mes livres, surtout en ce qui concerne ceux qui paraissent dans les journaux. Mes amis, mes éditeurs le savent et ne m'en parlent jamais. Dans un cas particulier, il m'est arrivé d'avoir sous les yeux tous les péchés qui ont été commis au sujet d'un de ces livres. Il s'agissait de par-delà le bien et le mal, et je pourrais en compter long à ce sujet. Croirait-on que la Gazette nationale, un journal prussien, ceci dit pour mes lecteurs étrangers, pour ma part, je ne lis, avec votre permission, que le journal des débats, allait jusqu'à interpréter sérieusement mon œuvre comme un signe des temps, comme la véritable philosophie des Hobereaux, cette philosophie pour laquelle la Gazette de la Croix ne fait que manquer de courage. Ceci a été dit pour les Allemands, car partout ailleurs qu'en Allemagne j'ai des lecteurs, rien que des intelligences de choix, des caractères élevés dans des situations et des tâches supérieures, et qui ont fait leurs preuves, j'ai même de véritables génies parmi mes lecteurs. À Vienne, à Saint-Pétersbourg, à Stockholm, à Copenhague, à Paris et à New York, partout j'ai été découvert et je ne l'ai pas été dans le pays plat de l'Europe, en Allemagne. J'avoue que je me réjouis davantage encore de ceux qui ne me lisent pas, de ceux qui ne m'ont jamais entendu ni mon nom ni le mot philosophie. Mais partout où je vais, ici à Turin par exemple, chaque visage s'épanouit et s'adoucit en me voyant. Ce qui, jusqu'à présent, m'a le plus flatté, c'est que de vieilles marchandes n'ont de repos qu'elles n'aient choisi pour moi dans leur panier les meilleurs de leurs raisins. Il faut être à ce point, philosophe. Ce n'est pas en vain que l'on appelle les Polonais les Français parmi les Slaves. Une charmante Russe ne se trompera pas un instant sur mon origine. Je ne parviens pas à être solennel, c'est tout au plus si j'arrive à paraître embarrassé. Penser en allemand, sentir en allemand, je suis capable de tout, mais cela dépasse mes forces. Mon vieux maître Ritschel prétendait même que je concevais mes dissertations philologiques comme un romancier parisien, d'une façon captivante jusqu'à l'absurdité. À Paris même, on est étonné de toutes mes audaces et finesses, l'expression est de M. Taine. Je crains même que jusque dans les formes les plus élevées du dithyrambe, on ne trouve mêlé chez moi de ce sel qui ne perd jamais sa saveur, qui ne devient jamais allemand. De l'esprit. Je ne puis faire autrement. Que Dieu m'aide. Amen. Tout le monde sait, il y en a même qui le savent par expérience, quel est l'animal qui a de longues oreilles. Eh bien, J'ose prétendre que j'ai les plus petites oreilles que l'on puisse voir. Cela ne manquera pas d'intéresser quelque peu les petites femmes. Il me semble qu'elles se sentiront mieux comprises par moi. Je suis l'anti-âne par excellence, ce qui fait de moi un monstre historique. Je suis en grec, et non pas seulement en grec, l'anti-chrétien. Je connais quelque peu mes privilèges en tant qu'écrivain. Dans des cas déterminés, je me suis aperçu à quel point le goût se corrompt au contact de mes écrits. On en arrive à ne plus pouvoir supporter d'autres livres, les livres philosophiques moins que tous les autres. Il y a une distinction sans exemple à être introduit dans ce monde noble et délicat, mais pour le pouvoir, il ne faut à aucun prix être allemand. En fin de compte, c'est une distinction qu'il faut avoir méritée. Celui, pourtant, qui m'est apparenté par la hauteur du vouloir, celui-là sera en proie à de véritables extases dans la compréhension. Car je viens des hauteurs que nul oiseau n'a jamais atteintes. Je connais des abîmes où nul pas ne s'est jamais égaré. On m'a dit qu'il n'était pas possible de laisser inachevé un de mes livres. Je trouble même le repos de la nuit. Il n'existe nulle part une espèce de livre plus fier et plus raffiné tout à la fois. Ils atteignent çà et là le maximum de ce qui peut être atteint sur la terre, le cynisme. Il faut les conquérir en se servant à la fois des doigts les plus délicats et des poings les plus courageux. Toute décrépitude de l'âme en éloignera nécessairement une fois pour toutes, et même la moindre atteinte de dyspepsie. Il ne faut pas avoir de nerfs. Il faut posséder de joyeuses entrailles. Ce n'est pas seulement la pauvreté de l'âme, l'atmosphère des recoins qui interdit l'approche de mes livres. C'est davantage encore la lâcheté, la malpropreté, le ressentiment secret qui se cache au fond des intestins. Un mot de moi suffit à faire éclater sur le visage tous les mauvais instincts. J'ai parmi mes relations plusieurs objets d'expérience qui me servent à connaître les réactions différentes et très différemment instructive que produisent mes écrits. Ceux qui ne veulent pas s'occuper de ce que contiennent ceux-ci, mes prétendus amis par exemple, deviennent aussitôt impersonnels. Ils me félicitent d'en être de nouveau arrivé là, et ils me disent qu'il y a progrès parce que je suis parvenu à une grande sérénité dans le ton. Les esprits profondément vicieux, les belles âmes, ceux qui sont mensongers de fond en comble, ne savent décidément pas ce qu'ils doivent faire de ces livres, par conséquent ils les considèrent comme quelque chose qui est au-dessous d'eux. Voilà la belle logique de toutes les belles âmes. Les bêtes à cornes de ma connaissance, il ne s'agit que d'allemand avec votre permission, me donnent à entendre qu'elles ne partagent pas toujours mes opinions, mais que pourtant, de ci, de là, j'ai entendu dire cela même au sujet du Zarathoustra. De même, tout féminisme chez les hommes est pour moi lettre close. Jamais les féministes n'auront accès dans ce labyrinthe d'audacieuses connaissances. Il faut ne jamais s'être ménagé soi-même, il faut que la dureté fasse partie de vos habitudes pour être joyeux et de bonne humeur au milieu des dures vérités. Quand je veux imaginer le type parfait d'un de mes lecteurs, j'en fais toujours un monstre de courage et de curiosité qui possède en outre quelque chose de souple, de rusé, de circonspect, ce qui constitue l'aventurier et l'explorateur né. En fin de compte, je ne saurais mieux dire que ne l'a fait Zarathoustra, à qui je m'adresse au fond. À qui donc veut-il conter ses énigmes ? À vous. Chercheurs audacieux, tentateurs, et à tous ceux qui jamais s'embarquèrent avec des voiles astucieuses sur des mers épouvantables. À vous qui êtes ivres d'énigmes, contents du demi-jour, dont l'âme est attirée par des flûtes vers tous les gouffres dangereux. Car jamais vous ne voudrez, d'une main poltronne, suivre un fil conducteur, et où vous pouvez deviner, vous n'aimez pas à ouvrir les portes. Je tiens à dire en même temps quelques généralités au sujet de mon art du style. communiquer un état d'âme, une tension intérieure, une émotion par des signes, y compris l'allure de ces signes. Voilà le sens de toute espèce de style. Étant donné que la multiplicité des états d'âme est extraordinaire chez moi, il y a chez moi beaucoup de possibilités de style, l'art le plus varié du style qu'homme eut jamais à sa disposition. Tout style est bon qui communique véritablement un état d'âme, qui ne se méprend pas sur l'allure des signes, sur les gestes. Toutes les lois de la période correspondent à l'art de l'attitude. Sur ce point, mon instinct est infaillible. Le bon style en soi est une pure sottise de l'idéalisme pur, à peu près de même que le beau en soi, le bon en soi, la chose en soi. En admettant bien entendu qu'il y ait des oreilles qui entendent, des hommes qui soient capables et dignes d'une émotion identique de ceux à qui l'on ait le droit de se communiquer. Mais Zarathoustra, par exemple, les attend toujours. Hélas! Il lui faudra les chercher longtemps. Il faut être digne de l'entendre. Et jusqu'à ce moment, il n'y aura personne qui comprenne l'art qui a été gaspillé là. Jamais personne n'a eu à jeter au vent plus de moyens inédits, plus de procédés d'art absolument nouveaux et créés véritablement pour la circonstance. Il restait à démontrer qu'une pareille chose fut possible précisément dans la langue allemande. Moi-même je l'aurais nié autrefois le plus catégoriquement. On ignorait avant moi ce que l'on peut faire avec la langue allemande, ce que l'on peut faire avec le langage en général. L'art du grand rythme, du grand style dans la période, pour exprimer le formidable mouvement ascendant et descendant d'une passion sublime et surhumaine, a été découvert par moi. Avec un dithyrambe comme celui qui termine la troisième partie de Zarathoustra et qui s'intitule « Les sept sauts », j'ai volé à 1000 lieues au-dessus de ce qui s'est jamais appelé poésie. Que dans mes écrits, c'est un psychologue qui parle, un psychologue qui n'a pas son égal. C'est peut-être là la première conviction à laquelle arrive un bon lecteur, un de ces lecteurs comme j'en mérite, qui me lisent comme les bons philologues d'autrefois lisaient leur Horace. Les propositions au sujet desquelles tout le monde est d'accord, pour ne point parler des philosophes de tout le monde, les moralistes et autres têtes creuses et têtes de chou, apparaissent chez moi comme les plus naïves des méprises. Par exemple, cette croyance que les termes altruiste et égoïste sont des antithèses, alors que l'ego lui-même n'est qu'une suprême duperie, un idéal. Il n'y a ni action égoïste, ni action non égoïste. Les deux idées sont des contresens psychologiques. Il en est de même des maximes. L'homme aspire au bonheur. Ou bien, le bonheur est la récompense de la vertu. Ou bien encore, le plaisir et la peine sont des antithèses. La morale, cette Circé de l'humanité, a faussé, a envahi de son essence tout ce qui est psychologie, jusqu'à formuler ce non-sens que l'amour est quelque chose de non-égoïste. Il faut presque être assis sur soi-même. Il faut se tenir bravement sur ses deux jambes. Autrement, on ne saurait être capable d'aimer. Les femmes ne le savent en fin de compte que trop bien. Elles se soucient comme de leur première chemise des hommes non-égoïstes, des hommes objectifs. Puis-je affirmer en passant que je crois bien connaître les femmes? Cela fait partie de mon patrimoine dionysien. Qui sait? Peut-être suis-je le premier psychologue de l'éternel féminin? Elles m'aiment toutes. C'est une vieille histoire. Exception faite des femmes malheureuses, des femmes émancipées, de celles qui n'ont pas l'étoffe pour faire des enfants. Heureusement que je n'ai pas l'intention de me laisser déchirer. La femme parfaite déchire quand elle aime. Je connais ces aimables ménades. Quel dangereux petit fauve qui s'est rampé et rongé, et si agréable avec cela. Une petite femme qui court après sa vengeance renverserait même la destinée. la femme est infiniment plus méchante que l'homme. Elle est aussi plus maligne. Chez la femme, la bonté est déjà une forme de la dégénérescence. Toutes celles que l'on appelle des belles âmes souffrent au fond d'elles-mêmes d'un inconvénient physiologique. Je ne dis pas tout, autrement je deviendrai médicinique. La lutte pour les droits égaux est déjà un symptôme de maladie. Tous les médecins le savent. La femme, plus elle est femme, se défend des pieds et des mains contre toute espèce de droit à l'état primitif. La guerre perpétuelle entre les sexes lui assigne de beaucoup le premier rang. A-t-on prêté l'oreille à ma définition de l'amour? Elle est la seule qui soit digne d'un philosophe. L'amour, son moyen, c'est la guerre, et il cache au fond la haine mortelle des sexes. A-t-on entendu ma réponse à la question « Comment on guérit une femme ? Comment on fait son salut ?» On lui fait un enfant. La femme a besoin d'avoir des enfants. L'homme n'est toujours qu'un moyen vers ce but. Ainsi parlait Zarathoustra. Émancipation de la femme, c'est le nom que prend la haine instinctive de la femme manquée, c'est-à-dire incapable d'enfantement, contre la femme d'une bonne venue. La lutte contre l'homme n'est jamais qu'un moyen, un prétexte, une tactique. En s'élevant elle-même sous le nom de femme en soi, de femme supérieure, de femme idéaliste, ces femmes tendent à abaisser le niveau général de la femme. Il n'y a pas de plus sûr moyen pour cela que l'éducation des lycées, les culottes et les droits politiques de la bête électorale. Au fond, les femmes émancipées sont les anarchistes dans le monde de l'éternel féminin. Toute une catégorie de cet idéalisme d'espèce maligne, lequel se rencontre du reste aussi chez les hommes, par exemple chez Henrik Ibsen, cette vieille fille typique, a pour but d'empoisonner la bonne conscience, la nature dans l'amour sexuel. Et pour ne point laisser de doute sur mon opinion aussi honnête que sévère en cette matière, je veux encore faire part d'un article de mon code moral contre le vice. Sous le nom de vice, je combats toute espèce de contre-nature, ou si l'on aime les beaux mots, toute espèce d'idéalisme. Voici cet article. La prédication de la chasteté est une incitation publique à la contre-nature. Le mépris de la vie sexuelle, toute souillure de celle-ci par l'idée d'impureté, est un véritable crime contre la vie, le vrai péché contre la vie, le vrai péché contre le Saint-Esprit de la vie. Pour donner de moi une idée en tant que psychologue, je détache ici une page curieuse qui se trouve dans par-delà le bien et le mal. Je ne permets du reste aucune supposition au sujet de celui que je décris dans ce passage. Le génie du cœur tel que le possède ce grand mystérieux, ce dieu tentateur, ce preneur de rats des consciences, dont la voix sait descendre jusque dans le monde souterrain de toutes les âmes, ce dieu qui ne dit pas un mot, qui ne hasarde pas un regard où ne se trouve une arrière-pensée de séduction, chez qui savoir paraître fait partie de la maîtrise, pour qui ne point paraître ce qu'il est, mais ce qui, pour ceux qui le suivent, est une obligation de plus à se presser toujours près de lui et de le suivre plus intimement et plus radicalement. Le génie du cœur qui force à se taire et à écouter tous les êtres bruyants et vaniteux, qui polit les âmes rugueuses et leur donne à savourer un nouveau désir, le désir d'être tranquille, comme un miroir, afin que le ciel profond se reflète en eux. Le génie du cœur qui enseigne à la main, maladroite et trop prompte, comme il faut se modérer et saisir plus délicatement, qui devine le trésor caché et oublié, la goutte de bonté et de douce spiritualité sous la couche de glace trouble et épaisse, qui est une baguette divinatoire pour toutes les parcelles d'or longtemps enterrées sous un amas de bourbe et de sable. Le génie du cœur, grâce au contact duquel chacun s'en va plus riche, non pas béni et surpris, non pas gratiné et écrasé comme par des biens étrangers, mais plus riche de lui-même, se sentant plus nouveau qu'auparavant, débloqué, pénétré et surpris comme par un vent de dégel, peut-être plus incertain, plus délicat, plus fragile, plus brisé, mais plein d'espérances qui n'ont encore aucun nom, plein de vouloirs et de courants nouveaux, de contre-courants et de mauvais vouloirs nouveaux.